Bonjour Tiffaine, les auditeurs vous retrouvent demain et puis moi je vous dis à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et bonjour à tous. Sa mère était une grande figure du socialisme en Italie. Egoliarda Sapienza est restée connue jusqu'à sa mort comme la fille de Maria Giudice, cette femme qu'elle admirait beaucoup. Mais elle-même restera dans une ombre relative et ce n'est qu'après son décès en 1996 que son œuvre sera pleinement découverte. Aujourd'hui, elle est devenue une auteure culte. Hier, avec sa traductrice Nathalie Castagnier, nous avons raconté la vie de Sapienza et en particulier l'épisode de la prison qu'elle a intégrée après avoir volé des bijoux et dont elle a tiré un livre, l'Université de Rebibbia. Le début de notre semaine était consacré à une autre grande auteure italienne, Elsa Morante. Nous avons raconté sa vie lundi avec René de Secati. Et mardi, ce sont Martin Rueff et Simonetta Greggio qui sont venus nous parler d'elle, sous l'angle en particulier de son rapport à la politique. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler des conditions de publication de L'Art de la Joie et évoquer les thèmes de ce grand livre ainsi que ses carnets, nous sommes avec Frédéric Martin qui a édité ses œuvres complètes dans la maison d'édition Le Tripode dont il est à l'origine et dont il est le directeur. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Quindi la mia, io non ne posso parlare molto del carcere, posso solo dire che ho fatto benissimo ad andarci, perché sapevo tutto, ho sempre seguito tutto, cercato di sapere tutto, ma quando mi sono trovata dentro la realtà è stata sempre diversa da quello che si pensa, anche la persona. Proprio. Che cosa hai imparato in questa università? Beh, intanto ho imparato cose che già sapevo. Bonjour Frédéric Martin. On s'est dit que ça vous ferait plaisir d'entendre la voix de Goliarda Sapienza pour débuter cette émission. C'est très gentil. Oui. Parce que pour vous, autant que les livres, ce sont les auteurs qui comptent. Et vous vous sentez avec cette femme que pourtant vous n'avez pas connue dans une proximité, vous l'avez souvent dit, qui est très très grande. Bah, j'y repensais encore en écoutant sa voix. Je dirais que c'est presque un peu sa faute. Quand on travaille avec l'œuvre de Sapienza, elle vous oblige à la fois à une telle intimité et à une telle exigence. Qu'elle devient vraiment très proche. Qu'est-ce qui vous oblige vraiment ? C'est très compliqué d'y répondre simplement parce qu'il y a plein de facteurs qui convergent. D'abord, il y a l'impossibilité de l'arrogance de l'éditeur. Parce que quand on est confronté à une œuvre comme la sienne qui a été, sinon massacrée, complètement oubliée par les éditeurs pendant 20 ans, ça, et qu'on est soi-même éditeur, ça rend très humble. Ça vous enlève beaucoup de certitudes. Vous n'êtes pas responsable pour les autres éditeurs? Non, mais j'appartiens à l'espèce humaine. Donc, voilà, si certains ont fait cette erreur, je ne suis pas du tout à l'abri. Donc, depuis cette époque, je me méfie des certitudes ou des affirmations sur la qualité d'une œuvre. Vraiment. Donc, la proximité, elle est là dans la leçon d'humilité qu'elle a donnée. Et puis après, parfois, et je le dis vraiment sans sourire, je pense que c'est la première femme que j'ai connue, d'une certaine manière, Sapienza. Voilà, en rentrant dans son œuvre, j'étais encore un peu gamin. En tout cas, comme beaucoup de garçons, j'ai une maturité un peu plus lente. Et je crois vraiment que j'ai compris ce que c'était qu'une femme avec Goliarda. Alors vous êtes donc l'éditeur des œuvres complètes de Sapienza aux éditions du Tripode, mais c'est une histoire qui a commencé avant les éditions du Tripode, il y a déjà une quinzaine d'années, quand vous travailliez pour un autre éditeur, Viviane Ami. Et c'est là qu'avait paru L'Art de la Joie dans la traduction de Nathalie Castagnier qu'on écoutait ici dans la compagnie des auteurs hier. C'est vous qui avez découvert ce texte ou est-ce qu'il a été découvert à plusieurs? Il faut rendre hommage à plein de personnes. Moi, ma seule chance et ma qualité, ça a été d'être au bon endroit au bon moment. Donc l'œuvre de Sapienza est quasiment méconnue au moment de sa mort, et notamment donc son roman majeur, en tout cas par la taille, L'art de la joie. Et la première personne qu'il faut remercier, c'est son mari, qui Angelo Maria Pellegrino, qui a défendu cette œuvre, qui l'a parachevée. Il faut préciser que c'est un roman, L'art de la joie, dont le montage, Sapienza appartenait aussi au monde du cinéma, et je pense qu'on peut vraiment parler de montage pour ce roman, a été exécuté par Angelo. Et il faut rendre hommage aussi à une autre éditrice, qui est Waltraud Schwarze, qui mm-hmm. était une éditrice allemande formidable. Parce que, en fait, le texte de L'art de la joie a d'abord transité par l'Allemagne, et c'est finalement par l'Allemagne que vous avez eu vent très rapidement après la son existence. Après la mort de Goliarda, son mari a mis en œuvre une édition complète, puisque le livre n'a jamais été publié du vivant de Goliarda, et a essayé de lui trouver des éditeurs aussi à l'étranger. Donc il a financé la publication d'une édition italienne, et par miracle... Dans une petite maison. Toute petite maison d'édition... Enfin, même mes amis éditeurs italiens ne la connaissaient pas. Mmh. Et par miracle, il a réussi à en faire lire un exemplaire à une éditrice allemande qui s'appelle Waltraud Schwarze, mmh. Qui a eu des difficultés à mettre en œuvre une édition en langue allemande. Elle l'a fait qu'à moitié, en fait. Je pourrais rentrer dans les détails. Mais bref, elle était un peu frustrée de ce qu'elle avait pu faire pour ce livre. Et c'est elle qui m'en a parlé. Voilà. Mais alors pourquoi est-ce que c'est à partir de la France et votre édition chez Viviane Ami, puis du Tripode, que ce texte et Goliarda Sapienza, de manière générale, va devenir une auteure célèbre? Pourquoi est-ce que c'est pas, du coup, en Allemagne que se fait cette émergence-là? Votre question, elle est terrible, parce qu'elle montre à quel point une œuvre, quand elle est importante, peut être aussi très fragile et dépendre de circonstances complètement anecdotiques. Donc 20 ans de refus de tous les éditeurs italiens, donc l'Italie c'est mort, on va dire. En Allemagne, ce qui se passe, c'est que vous avez une éditrice qui voit l'importance de l'œuvre, mais qui n'a pas les rênes financières de la maison d'édition. Il faut dire que c'est un gros livre, hein. C'est un gros livre, donc ça coûte aussi beaucoup d'argent à traduire. Voilà, quand on traduit un livre, la prise de risque est multipliée, c'est qu'en plus du coût de la fabrication d'un gros livre, il y a son coût de traduction. Et donc les directeurs financiers de la maison d'édition pour laquelle elle travaillait, elle n'arrive pas à les convaincre suffisamment. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour publier le livre, mais comme ça coûte très cher et que le livre est décomposé en 4 parties, ils lui proposent de le publier en 2 fois. C'est-à-dire on publie les 2 premières parties et si ça marche, on traduira et publiera la deuxième partie. Et ça n'a pas marché. Mmh. Voilà. Donc ça n'existe pas en allemand aussi maintenant. Ça de manière bâtarde, en plus ils ont... ils n'ont pas voulu traduire le titre littéralement. Je parle vraiment de ces détails parce que je pense que ça se joue à ça, la reconnaissance d'un livre, parfois. Au lieu de publier ça sous le titre L'art de la joie, ils avaient traduit ça jeté dans le ciel. Mmh. Voilà. Alors que c'est vraiment L'art de la joie, ce livre. Bref, ça m'arrive comme ça en France, grâce à cette amie éditrice. Et ce qui a fait la chance du livre, c'était au départ son impossibilité à le publier. C'est-à-dire qu'un livre pareil... Quand vous le publiez en France, si vous le faites de manière normale, il n'a aucune chance. Parce que aller voir un journaliste, puisqu'à cette époque-là, on comptait beaucoup sur la presse et les médias pour lancer un livre, aller voir un journaliste sérieux en lui disant, voilà, il y a un livre qui est formidable. Bon, c'est vrai que tous les éditeurs italiens ont trouvé que c'était nul. C'est vrai que l'auteur est pas vivant, donc vous pourrez même pas faire une interview. Et puis c'est vrai que ça va vous prendre 2 semaines pour le lire parce qu'il fait 800 pages. C'est très difficile. Et parce que c'était difficile, il fallait inventer quelque chose. Et ce qui s'est passé, c'est, j'allais dire, la troisième personne qu'il faudrait remercier, mais là c'est une entité collective, c'est le libraire. Mmh. Voilà. Oui, parce que vous racontez que les libraires ont fait un bouche à oreille extraordinaire et que vous avez eu aussi l'idée d'envoyer les épreuves photocopiées, je crois, à beaucoup de libraires. Vous êtes très bien renseigné. Voilà, je suis très bien renseigné. J'ai même failli être licencié pour ce livre. Parce qu'à l'époque, c'était la photocopieuse et ces gros boudins de plastique, vous savez, pour lire. Et L'art de la joie, c'était 2 ramettes de papier chaque exemplaire. Mmh. Et donc j'avais réussi à convaincre des libraires de manière sournoise en leur demandant simplement s'ils auraient le temps de lire un livre bien avant la publication, puisqu'on a commencé 1 an. En fait, il fallait redonner à ce livre le temps qu'il n'avait pas eu. Finalement, vous aviez envie d'être éditeur vous-même. Vous avez commencé à la photocopieuse. On vous a présenté ce livre d'abord comme étant à mi-chemin entre Lampedusa et Harlequin. Est-ce qu'il y a un fond de vrai? Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire de le présenter comme ça, l'art de la joie? Oui, parce que c'est même moi qui suis arrivé à cette conclusion. Ah, c'est vous qui avez prononcé cette phrase? Oui. Ah, d'accord. Parce que je me souviens très bien de la première sensation de lecture. C'est un roman maintenant que j'ai lu une quinzaine de fois. Je le lis régulièrement. Et la première fois, c'est très bizarre parce que quand vous commencez à lire un texte pareil, vous savez, vous êtes calé dans un fauteuil et puis vous commencez un peu à remuer des fesses pour trouver vraiment la bonne position, un peu comme quand vous moulez votre corps dans du sable. Et vous sentez que vous allez passer un bon moment parce que c'est bien écrit, parce que c'est enlevé, parce que c'est très généreux. Et concrètement, en plus... Ça, c'est une intuition personnelle, mais il y a des détails qui me font penser que c'est vrai. Je pense que Goliarda a vraiment perçu ce livre comme une continuité, une prolongation du Guépard de Lampedusa. C'est-à-dire que le roman commence, l'art de la joie, là où s'achève le Guépard. Dans les thématiques, dans les temporalités. Bref, vous commencez ce roman-là, et Lampedusa, c'est quand même pas, en termes de qualité littéraire, on n'est pas dans le bas de gamme. Donc vous commencez avec beaucoup de certitude et de plaisir, parce que c'est toujours chouette de découvrir une grande œuvre. Tout d'un coup, vers la moitié du roman, ça déconne. C'est-à-dire que tout le confort littéraire qu'on vous avait donné comme bonbon et que vous suciez avec plaisir, devient du n'importe quoi. C'est-à-dire ça la fin devient hybride et donc on va jusqu'à du Harlequin, dans le sens où il y a une romance au milieu du roman qui est d'une médiocrité absolue. Vous avez des passages qui deviennent du théâtre, avec des didascalies, enfin, et des passages qui deviennent de la poésie. Alors, il y a un passage Harlequin qu'on va écouter tout de suite. Je me retrouvais par terre avec lui, sur moi. Il ne m'avait pas déshabillé, ni ne s'était déshabillé. Je le sentais à l'intérieur de moi. Il ne faisait pas mal. Il bougeait. Doucement. Quand il sortit, rien qu'à la façon dont il laissa aller la tête sur mon épaule, je compris qu'il devait avoir joui. Mais il ne disait rien, et je brûlais tout entière sans qu'aucun frisson vînt me calmer. Excuse-moi, petite, de cette précipitation. Ça fait si longtemps que je te voulais, et toi ? Tu ne sais vraiment rien faire. Tout doucement, avec le temps, je vais t'apprendre à prendre ton plaisir, toi aussi. Vos mères ne vous apprennent rien. Et c'est à l'homme, après. La compagnie des auteurs sur France Culture. C'est quoi l'idée, alors, Frédéric Martin, de ces passages qui ressemblent à de la littérature de romance? Alors, il y a pire dans le roman. Là, oui. C'est plutôt le côté Lady Chatterley du roman. C'est la première fois où elle a véritablement un amant. Et c'est le garde forestier. C'est une référence, il y a de l'intertextualité? Oh oui, je pense qu'elle avait. Elle a beaucoup lu. Et. Après, la figure de Carmine, c'était une Sicilienne. La présence de la terre et de la mer dans son œuvre est très importante. La mer, dans les deux sens du terme, d'ailleurs. Mais ce qui est super chez elle, c'est ce mélange à la fois de trivialité et d'hyper-intelligence. Par exemple, cette scène-là, on va la retrouver quelques années plus tard. Donc là, elle découvre le plaisir avec un homme qui va vraiment l'initier. Et quelques années plus tard, elle tombe sur un médecin socialiste très intello qui va lui refaire le coup de la précipitation. Et là, c'est elle qui va prendre la voix de Carmine, c'est-à-dire du garde forestier, en lui disant « Bon, vos mères vous apprennent vraiment rien, je vais t'apprendre quand même à donner du plaisir à une femme. Ouais. » Voilà. Harlequin, c'est pas si mal, en fait, hein, dans les enjeux. En tout cas, c'est pas la sensualité qui manque dans ce roman. C'est pas la sensualité non plus qui allait arrêter Viviane Amy au moment de la publication, la première fois, de ce livre, parce qu'elle venait de publier les mémoires de Jean-Jacques Pauvert, La traversée du livre, Pauvert, dont on sait qu'il a été l'éditeur du Marquis de Sade. Est-ce qu'on peut comparer l'héroïne L'art de la joie, Modesta, à, par exemple, la Juliette ou la Justine de Sade? J'avais jamais fait le télescopage parce qu'effectivement, quand on travaillait sur les mémoires de Jean-Jacques, j'ai vu apparaître cette figure-là. Et en fait, ce qui est très intéressant chez Sade, qu'on soit sadien ou pas, c'est cette capacité à définir une éthique, une ligne de vie à partir d'une connaissance de soi. En gros, et juste ce qui me fait du bien. Et le personnage de L'art de la joie, Modesta, c'est exactement ça. C'est une femme, la liberté ou l'art de la joie qu'elle prône, c'est pas l'art de bête de la jouissance et de la poursuite effrénée du plaisir. C'est un art de construction personnelle d'une éthique qui vous donne une ligne de vie. C'est ça que signifie le titre, l'art de la joie? Ouais. Oui, parce que c'est un roman où il y a beaucoup de souffrance, quand même. C'est un personnage, j'allais dire un personnage, et je vois le visage de Goliarda qui remonte. Beaucoup de gens, quand ils ont lu ce livre, confondent Modesta, le personnage, et Goliarda. Très souvent, en voulant parler de Modesta, ils disent Goliarda, et inversement. Parce que Goliarda a une vie splendide, aventureuse, elle était très belle, et en même temps, c'est une femme qui a connu des épisodes de dépression très forts. On reparlera sans doute avec les carnets. Voilà, elle dissocie pas la douleur de la jouissance, dans le sens où ce sont des étapes nécessaires, en fait, d'une sagesse, d'une jouissance supérieure. Donc c'est un livre qui nous apprend à vivre, qui nous apprend aussi que l'amour, aimer et faire l'amour d'ailleurs, ça n'est pas comme ça un miracle qui arrive, ou ça n'est pas que ça, mais c'est aussi un art, ça s'apprend, c'est aussi presque un métier. Annie Lebrun, pour revenir sur Sade, disait de Sade que c'était un homme qui ramenait le rapport du corps à l'esprit à sa dimension de catastrophe naturelle. Voilà, Sapienza, c'est à peu près ça aussi. C'est que pour faire fonctionner un corps et un esprit ensemble, c'est un sacré art. Ça demande beaucoup d'intelligence. De quoi s'agit-il? Parle. Oh, rien. Je voulais te demander ce que c'est que la mer. Et aller avec cette mer, entêté que tu es. 100 fois, je te l'ai expliqué, 100 fois. La mer est une étendue d'eau profonde comme l'eau du puits qui se trouve entre notre ferme et cette masure qui est votre maison. Sauf qu'elle est bleue. Et qu'on a beau tourner les yeux dans tous les sens, on ne peut pas voir où elle finit. Mais qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu es sotte. Et même si t'étais pas sotte, les femmes, comme dit mon père, depuis que le monde est monde, ne comprennent rien à rien. Pas du tout, je comprends, moi. Une eau profonde, comme celle du puits, mais bleue. Bravo, félicitations. Alors lève-toi et regarde autour de toi. Tu la vois, cette plaine marécageuse? Comment s'appelle cette plaine, hein? Voyons si tu es digne d'apprendre. Cette plaine s'appelle Plaine du Bœuf. Voilà, la mer est une plaine d'eau bleue, mais sans les montagnes de lave que nous voyons là au fond. Quand on regarde la plaine de la mer, on voit rien au fond. Rien qui bloque la vue. Ou mieux, on voit une ligne toute mince qui n'est rien d'autre que la mer qui se mélange au ciel. Et cette ligne s'appelle l'horizon. Extrait de L'art de la joie, lu par Yvan Corbino et Nora Krief. À quoi vous fait-il penser cet extrait, Frédéric Martin? Moi, je vois les visages. À ce moment du roman, donc Modesta, le personnage féminin, a 9 ans. Et la voix qui lui répond, c'est un gamin en fait, c'est tout dessous, il a 15 ans, à peu près. On devine que c'est un jeune homme, enfin un adolescent. Et ça me fait penser à tout le reste parce que, en fait, une des clés du roman, c'est sans doute Tutsu. C'est la première figure d'homme du roman. Et il va y en avoir plein d'autres. Je parlais de ce garde forestier, Carmine. Il va y avoir un vieil homme qui va beaucoup compter, un jardinier qui s'appelle Mimo. Et on s'aperçoit, en tout cas, c'est comme ça que je comprends le roman maintenant, que toutes ces figures d'hommes sont le même homme à des âges différents de la vie. 15 ans, Carmine, c'est un homme dans la force de l'âge, et Mimo, c'est un vieillard. De la même manière que la trame du récit, c'est la vie de Modesta, ouais, qu'on découvre toute petite et qu'on voit grandir. Et c'est ça la force du roman, c'est que là où elle va rencontrer des métaphores de la vie à tous les âges, elle est tous les âges. Au début du roman, elle a 4-5 ans, et à la fin du roman, elle en a 65 à peu près. Alors, quand elle a, pas encore 4-5 ans, mais très rapidement au début du roman, on découvre une jeune fille qui est absolument scandaleuse. Et l'une des premières scènes du roman, c'est une scène d'inceste, mais d'un inceste qui est voluptueux. Et ça crée évidemment une espèce de gêne pour le lecteur. C'est un personnage extrêmement transgressif, le personnage de Modesta. Je vais peut-être choquer ma mère qui est italienne en disant non, mais moi je la trouve extrêmement simple en fait. Elle est juste, comme je le disais tout à l'heure, très connectée à ce qu'elle est, et elle a aucune culpabilité sur la jouissance, tout simplement. Il y a ce passage d'ailleurs, avant même cette scène d'inceste provoquée, c'est même elle qui désire cet homme qui se présente comme son père, l'ambiguïté existe sur s'il était vraiment son père ou pas, mais avec ce tout dessous, elle va avoir ses premiers émois érotiques. Et le jeune homme est lui-même choqué de cette gamine qui a un peu le faux au cul, si on devait y porter un jugement moral. Et elle a cette réponse désarmante en disant « Mais si j'ai découvert ça toute seule, c'est que tout le monde le découvre et que c'est sain. Mm-hmm. » Voilà. Alors pendant cette scène d'inceste, il y a la mère qui est dans la pièce à côté, qui est plus ou moins enfermée d'ailleurs. Ouais. Et il y a une jouissance à entendre la tristesse, enfin je veux dire le désespoir de la mère qui crie dans la pièce d'à côté. Là aussi on est dans la transgression pure ou pas? Elle n'est pas sadique, pour arrêter la comparaison avec les personnages de Sade. Elle n'a aucune jouissance dans la souffrance des autres. Par contre, elle n'a aucun scrupule. Elle est meurtrière. Hein. Elle va assassiner sa mère, elle va assassiner une mère religieuse. Ce qui, en passant, peut peut-être expliquer les difficultés des Italiens à publier ce roman dans les années 70. C'est qu'effectivement, c'est une œuvre extrêmement libre par rapport à la morale. Mais c'est un personnage qui est absolument pas coupable, pour moi. C'est effectivement quelqu'un qui défend son art de la joie. Et cette mère, pour moi, c'est elle la fautive. C'est quand même une mère maltraitante. Parce qu'il y a deux mères. Donc il y a la mère abbesse aussi, qui est pour le coup pas maltraitante. Qui est quelqu'un qui va être très, très douce, mais peut-être un peu trop envahissante à l'égard de Modesta. Plus dur que vous. Pour moi, elle est pas maltraitante, elle est perverse. Ce qui est pire, c'est qu'elle a une forme d'intelligence et en même temps de refoulement. C'est une mère supérieure qui est issu d'une famille noble, et on retrouve le garde forestier, en fait, qui a eu des relations cachées avec ce garde forestier. Elle est même tombée enceinte. Je trahis rien du roman, hein, ça apparaît dans tout ce qu'on raconte, c'est ça qui est effrayant, pour les Italiens peut-être, ça apparaît dans les 30 premières pages du roman, grosso modo. Mais bref, est devenue mère supérieure de ses propres contradictions. Elle a jamais assumé son désir, elle a jamais assumé cet enfant, et elle joue à la sainte avec cette jeune femme qui arrive dans le couvent, donc après toutes ses premières aventures, y compris donc ce viol par son père, et qui la prend sous son aile, alors qu'elle-même n'a aucune sagesse. Donc il s'agit simplement de se défaire de la perversité des autres, qui se cache sous une espèce d'altruisme finalement dévorateur. Et pourquoi ce livre est culte? Pourquoi maintenant, depuis à peu près 20 ans, allez, on va vieillir quand même, mais il parcourt la vie de tant de gens, c'est qu'il apprend vraiment à vivre. C'est que cette dialectique entre la bienséance, qui cache un peu un vide existentiel, ou en tout cas des lâchetés, et ce personnage qui traverse comme une météorite tout ce qu'elle vit, et qu'il annonce dès le premier paragraphe, pour le plaisir, j'ai fait ma relecture annuelle juste un peu avant cette émission, donc et j'étais sidéré parce que je redécouvre ce livre à chaque fois, que dès le premier paragraphe, elle annonce qu'elle avance, elle traîne un bout de bois et elle dit je ne sais pas pourquoi mais je dois le faire. Et cette scène là inaugurale, qui est un souvenir de la petite enfance, donc elle a 4-5 ans, c'est presque un blason de toute sa vie. Elle va avancer, elle ne sait pas pourquoi. Béatrice pâlissait, et moi de plus en plus oppressée par les chiffres et les comptes, je ne dormais plus. Me tournant et me retournant dans le lit, je me cognais au mur de cette prison de paiement, impôts fonciers, contrats de location. Garde champêtre et contremaître peinaient à percevoir les loyers. Les paysans relevaient la tête, la campagne ne rapportait pas, les salaires avaient triplé. Pour lire quelques livres, j'avais sacrifié des heures et des heures de sommeil. Le piano se taisait. La malle de Jacopo, encore fermée, gisait dans la pièce à côté, oubliée dans un coin. Dans quel piège étais-je tombée ? Je portais à bout de bras cette espèce d'immense royaume qui prenait l'eau de toutes parts. Et cette énorme maison tenue comme un palais royal. La villa, à la campagne, toujours ouverte, fonctionnant comme un hôtel, en attente du retour de tous ces morts, 20 bouches à nourrir, 20 salaires à débourser chaque mois. Je ne dormais plus. Gaïa aussi souffrait d'insomnie. Je comprenais à présent son regard obsédé, sa façon de rester tout le temps enfermée dans son bureau, occupée à mener cette bataille impossible. À quoi s'était-elle donc sacrifiée ? Au devoir d'un nom à maintenir, bien haut dans la considération des autres, ou à ses propres yeux ? De fait, tous ses avocats, banquiers, notaires, avaient comme elle ce regard sourd, fixé dans une seule direction. Carmine et non. Carmine sur son cheval, ses boucles blanches, immobiles dans l'air, courait vers moi dans mon souvenir en riant. Depuis des mois, je ne le voyais plus qu'entouré de notaires et d'avocats, engoncés dans leurs gilets et vestes noires ajustées. Dès qu'il pouvait, il s'enfuyait. La compagnie des auteurs sur France Culture avec ce nouvel extrait de L'Art de la Joie lu par Nathalie Jeannet. Là, le ton est différent, Frédéric Martin, dans ce passage, parce que on sent la narratrice confrontée au réel, alors que d'habitude, elle est comme ça, dans une espèce de brume légère, un petit peu flottante. Là, il s'agit de parler des banquiers, des avocats, du loyer. Est-ce que dans ce roman, encore une fois, un petit peu onirique, le réel vient de temps en temps parler aussi de politique ou parler de la vie telle qu'elle va ou telle qu'elle ne va pas. Je continue à croire que ce livre est unique. C'est-à-dire que ce qu'il réussit, enfin, bon, il y a plein de livres qui sont importants dans ma vie, mais il n'y a que ce livre-là qui réussit quelque chose d'assez étonnant pour moi. Alors, j'ai peut-être pas assez lu, mais c'est de réinscrire en littérature la temporalité réelle de la vie. C'est-à-dire que dans ce roman, il y a des longueurs, il y a des choses qui sont très pénibles à lire, dans le sens qu'on s'y ennuie. Il y a parfois des choses très matérielles, il y a des moments de digression philosophique ou politique qui peuvent être ce qu'on appelle des tunnels, on se dit ouf, et qui, à la relecture, me semblaient finalement les moments les plus importants. Et je l'ai compris peut-être, quand je dis à la relecture, à la cinquième ou sixième relecture, parce que il y a un moment de ma vie où je croyais être à l'arrêt. J'avais quitté un travail, j'étais dans une certaine solitude sentimentale, et je pensais qu'il se passait rien. Et brutalement, j'ai eu un coup d'accélérateur l'année qui a suivi, et je me suis rendu compte que cette année que je croyais être de stagnation avait été en fait une année de fermentation, où il y avait des choses qui avaient travaillé en moi et qui avaient été les plus décisives. Et ben, c'est exactement ce qui se passe dans ce roman. C'est-à-dire que, deuxième leçon d'humilité pour l'éditeur, si elle avait été vivante, je lui aurais peut-être proposé de supprimer des passages qui étaient longs, qui étaient ennuyeux, et qui en fait sont décisifs. Mais du coup, vous n'y voyez pas, je ne sais pas, du féminisme par exemple. Faut rappeler quand même que Goliarda Sapienza vient d'une famille politisée. Oui. Ça ne se retrouve pas dans le roman selon vous ? Si, tout s'y retrouve. Vous l'avez peut-être compris, je suis très adorateur de ce livre. Je pense que on peut partir qu'avec un livre sur une île, ça peut être L'Art de la Joie sans problème. Bon, c'est un bon conseil quand on est éditeur de ce livre-là. Frédéric Martin, vous restez avec nous. On va continuer à évoquer l'œuvre de Goliarda Sapienza, en particulier en seconde partie, ses carnets. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique de Frédéric Magé. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Frédéric Magé, directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur en Puisée. Bonjour à vous Frédéric. Bonjour. Et comme nous parlons cette semaine de deux grandes auteures italiennes, vous avez choisi d'évoquer une autre grande figure féminine de cette littérature de la péninsule avec Sibylla Aleramo. Et oui, sur l'autre versant du XXe siècle, près de 70 ans avant la Storia d'Elsa Monte ou l'Art de la joie de Goliarda Sapienza, et bien Sibylla Aleramo, de son vrai nom Rina Faccio, s'est imposée sur la scène littéraire italienne et même européenne avec son premier roman, Une femme, publié en 1906, alors qu'elle n'avait que 30 ans. Et alors c'est un roman qui s'inspire directement de son histoire personnelle. Oui, elle est issue d'une famille de la petite bourgeoisie milanaise. Rina Faccio passe son adolescence dans une ville industrielle de la province de Macerata, où son père, qui est un homme à la forte personnalité, en même temps laïque, positiviste, a été nommé directeur d'une verrerie. C'est là que survient un événement tragique qui va vraiment précipiter le destin de Rina Faccio. C'est le viol qu'elle subit à l'âge de 15 ans par un employé de son père. Cet employé qu'elle va devoir épouser 2 ans plus tard. Alors on l'imagine, un mariage qui est voué à l'échec. Comme l'héroïne de son roman, elle décide à l'âge de 26 ans de quitter le domicile conjugal et d'abandonner son fils dont elle ne parviendra jamais à obtenir la garde. Une femme est finalement la transcription, le récit de ce drame à la fois intérieur et social. Mais alors la publication de ce roman va donner naissance à de violentes polémiques qui vont de pair avec un très très grand succès populaire. Bah oui, on peut sans mal se représenter le scandale suscité par le comportement à la fois de la romancière et de son héroïne dans les premières années du XXe siècle en Italie, où les droits civiques, privés et politiques des femmes demeuraient extrêmement limités. Rupture du mariage, départ du domicile conjugal, abandon de son enfant et surtout choix d'une vie libre et indépendante. Il n'en fallait pas plus pour attirer les condamnations les plus fermes. Mais en même temps, la sortie du roman s'inscrit à l'époque dans un large mouvement européen de mobilisation des femmes, notamment en faveur du droit de vote. En 1906, par exemple, lorsque apparaît le roman de Sibylla Aleramo, eh bien Maria Montessori, dont on connaît encore les méthodes pédagogiques aujourd'hui, lance un appel qui est placardé dans toutes les rues de Rome, qui invite les femmes à se présenter sur les listes électorales. Il y a des pétitions qui circulent et cette même année à Rome a lieu le premier congrès socialiste féminin. Donc ça s'inscrit vraiment dans un mouvement. Et là le succès dépasse très rapidement le cadre de l'Italie. Oui, c'est un succès formidable. Dès sa parution, l'ouvrage de Sibylla Aleramo est considéré en Italie et très vite d'ailleurs dans le reste de l'Europe comme le grand roman féministe italien et confère d'emblée à son auteur le statut quasi d'une héroïne de la cause des femmes. L'ouvrage très rapidement est traduit en français, il sort en France en 1908 chez Calman Levy, l'accueil est enthousiaste. Anatole France dans le Figaro s'enflamme pour ce prodige des lettres françaises, des lettres italiennes, pardon, et lorsque l'auteur d'ailleurs se rend en France, elle est reçue par tout le monde, Anna Noailles, Guillaume Apollinaire, Valérie Larpeau, Charles Péguy, et c'est bientôt toute l'Europe qui va se rendre à Rome pour la rencontrer, ce qui fera dire à Stefan Zweig d'ailleurs, qui n'a pas rencontré Madame Aleramo à Rome en cette première décennie du XXe siècle, n'a rien vu. Alors du coup, Frédéric, on se pose la question: est-ce que son œuvre ultérieure va prolonger cette première veine féministe? Non. Sibylla Aleramo était une femme trop libre sans doute pour se laisser enfermer dans une seule identité. Femme d'une intelligence, d'une culture et d'une curiosité unique, pour reprendre les qualificatifs de René Cecchetti qui lui a consacré une brillante biographie, elle a bâti vraiment une œuvre en toute indépendance. Par exemple, dans son second roman, Il Passaggio, Le Passage, publié en 1919, elle explore les amours féminines. Quelques années plus tard, elle rejoint le groupe des futuristes. Elle va signer le manifeste des intellectuels antifascistes lancé par Benedetto Croce en 25. Après la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage au sein du Parti communiste, elle milite pour la paix. La seule chose qui va rester l'invariant finalement, c'est l'écriture. La prose, la poésie qui forment véritablement la vie de cette trame, la trame de cette vie à la fois mouvementée et multiple. Je dirais d'ailleurs que par cette capacité à embrasser des esthétiques et des idéologies extrêmement diverses, tout comme d'ailleurs dans sa vie cosmopolite et sa vie amoureuse très mouvementée, elle me rappelle un peu Lou Andrea Salomé d'une certaine façon. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces liens avec les générations ultérieures d'écrivains et notamment avec Elsa Morante dont on parlait en début de cette semaine? Bien malgré son intense activité à la fois militante et d'écrivaine pendant près d'un demi-siècle, et la reconnaissance dont elle bénéficiait dans les milieux intellectuels, Sibylla Aleramo n'aura jamais retrouvé le succès rencontré avec une femme. Et elle en a conçu d'ailleurs une forme d'aigreur. René Cecchetti raconte que lorsque Elsa Morante reçoit le prix Viareggio pour Mensonges et Sortilèges, elle ressent vraiment de la rage et de la haine de ne pas être reconnue par cette nouvelle génération. Et d'ailleurs, René Cecchetti dit qu'il est même étonné et stupéfié que Elsa Morante ne se soit jamais intéressée à sa prédécessrice. Finalement, je dirais qu'un écrivain n'échappe jamais vraiment à son premier grand succès, surtout quand il a la dimension d'une femme. Et malgré toutes ces prises de distance, un peu après avec le strict féminisme politique, Sibylla Aleramo est quand même longtemps restée identifiée comme la figure de pionnière du féminisme, peut-être au détriment de la reconnaissance littéraire de son œuvre. Et d'ailleurs, il est assez amusant de voir que même posthumément, elle a accompagné le mouvement de libération des femmes, puisque par exemple en France, lorsque les éditions des femmes ont été créées, eh bien, une femme, c'est un des trois premiers textes publiés par Antoinette Fouque. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cette œuvre ? Eh bien, il reste une œuvre multiple, il reste ce magnifique roman, et je crois vraiment qu'il faut relire Une femme, dont la force est d'abord une force romanesque. Sibylla Aleramo ne dénonce pas, elle montre les blessures, les rêves, les angoisses, les renoncements, les révoltes, la grandeur et la misère d'une femme qui refuse, finalement, au-delà de l'oppression d'un homme, bien sûr, celle d'une société qui assigne aux femmes, et comme aux hommes d'ailleurs, une identité des rôles factices. À une époque où nous assistons un peu impuissants, il faut le dire, en Italie, au retour d'un machisme rétrograde dans la personne de Matteo Salvini, dont je rappelle que la Ligue, entre autres, diffusait le 8 mars dernier un tract prenant le rôle naturel de la femme, rien que ça, mais il est peut-être bon de faire entendre ou réentendre la voix incandescente de Sibylla Aleramo, et je la cite « Je renouvelle des appels déjà lancés à la société par bien d'autres esprits, mais que j'imprègne de mes larmes et de mon sang. La justice ne peut être étouffée parce qu'elle brûle. Je ne demande pas à être connue, je demande que l'on m'entende. Alors, écoutons-la. » Merci beaucoup Frédéric Magé. Je rappelle que vous êtes directeur de la maison Colette à Saint-Sauveur-en-Puisé, qui se trouve donc près d'Auxerre, à 180 km au sud de Paris. Pour les Parisiens, la réservation pour la visiter est préférable, mais elle n'est pas obligatoire. À bientôt. La compagnie des auteurs. Nous terminons notre semaine consacrée à deux grandes femmes de lettres italiennes. Après Elsa Morante lundi et mardi, nous évoquons aujourd'hui l'œuvre de Goliarda Sapienza avec Frédéric Martin, qui l'a édité aux éditions du Tripode. Et pour repartir dans cette seconde partie d'émission, un extrait de ses carnets, également publié au Tripode. Je vois avec appréhension que ça fait depuis mai que je n'ouvre plus ce petit carnet. Plein de choses sont arrivées, mais comme en rêve, et sans la possibilité de les fixer, et ce que je craignais s'est réalisé. Devant publier, j'ai dû m'exposer au grand jour, et c'est quelque chose d'horrible pour moi. Je ne comprends plus, je n'arrive plus à filtrer mes pensées, à toucher la vie, et ce qui est le plus horrible, je n'arrive plus à écrire une ligne. Je le savais, mais après 10 ans de pause heureuse avec mon travail et mes études, l'angoisse est si grande qu'elle me fait parfois désirer mourir. Et combien de temps est-ce que ça durera ? Angelo m'est proche par bonheur, mais il y a aussi que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais plus jamais tenté de publier quoi que ce soit. Je suis seule à Gaeta depuis 2 jours, et je vais mieux que lorsqu'il était là. Sur le moment, hier, je ne comprenais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai compris. Sans sa présence, j'oublie la publication et je retrouve un peu de sérénité. C'est absurde, je le sais, et surtout injuste envers lui qui n'a aucune attitude terroriste sur le fait de publier. Mais malheureusement, désormais, tout le monde me rappelle que mon devoir est de publier. C'est insupportable. Tant pis. On ne peut faire autrement, tant pis, et espérons que ça ira, parce que comme ça, vraiment, j'ai le vide à l'extérieur de moi et en moi. Une lecture par Vanda Benesch. Que retenez-vous de cette lecture en particulier, et donc de cette douleur à l'impossibilité qu'a Goliarda Sapienza de faire publier L'art de la joie ? Je retiens la deuxième chose importante de sa pensée. La première, donc, c'est ce rapport à la joie qui est pas forcément la jouissance, c'est-à-dire l'acceptation de la douleur. Et la deuxième, c'est une notion très importante chez elle qui est la contradiction, le droit à la contradiction. D'ailleurs, une grande partie de son œuvre, elle l'avait rassemblée sous un titre générique qui était Autobiographie des contradictions. Voilà. Alors, ces carnets, ces 8000 pages, vous n'en éditez que 450, hein, pour l'instant. Peut-être que plus tard vous publierez les autres, je ne sais pas. Enfin, vous avez dû faire des choix. Comment est-ce que vous avez travaillé? J'allais vous interrompre justement, très modestement, je n'ai rien édité, je me suis contenté de reprendre encore une fois le travail d'Angelo. Donc pour boucler l'histoire sur la reconnaissance de l'œuvre en Italie, 20 ans après l'avoir refusé, pendant 20 ans, donc 40 ans après la genèse du texte à peu près, tous les éditeurs italiens se sont mis à penser que l'œuvre de Sapienza était très importante, ont fait des enchères folles pour acquérir les droits, et finalement Angelo a décidé de les confier... les droits de l'œuvre en Italie à un éditeur un peu l'équivalent de Gallimard qui s'appelle Einaudi. D'ailleurs, elle est un peu dans l'équivalent de la Pléiade. Alors, c'est Italie. Pas qu'elle soit dans l'équivalent de la Pléiade, mais quand Einaudi a décidé donc de publier Sapienza, il a décidé de publier les œuvres complètes. Et c'est une annonce en Italie qui a le même poids symbolique que l'entrée à la Pléiade en France d'un auteur. Donc, tout, elle passait de, pas de l'ombre, de l'obscurité la plus totale au soleil éclatant. Et c'est Angelo qui supervise, donc, ce programme d'édition des œuvres complètes en Italie. Et c'est lui, donc, qui a établi cette édition des carnets, qui a été publiée en Italie en 2 volumes, peut-être pour des raisons économiques. Enfin, je ne lui ai pas demandé la raison, mais quand il s'agit de faire la même chose en France, il me semblait plus cohérent de les regrouper en un seul volume. Alors, quand est-ce qu'elle a commencé à écrire ce journal-là? Immédiatement après L'Art de la Joie, qui... Donc, comme thérapie? Oui, oui. Je pense que, de ce que m'a expliqué Angelo, d'abord, c'est une œuvre qui a pris 10 ans, hein, L'Art de la Joie. Donc, il y avait une fatigue physique... Et comme toute épreuve physique, après il y a un sas de décompression où vous vous sentez pas bien. Et puis les refus éditoriaux qui ont commencé à se multiplier, ça a été une épreuve véritable. Et Angelo a eu cette intuition géniale de la ramener à une intimité et à une exigence de vérité à travers des carnets. En ne lui fixant aucun objectif, aucune contrainte. Il lui a juste donné un carnet en lui disant « Écris ce que tu vois, ça sera peut-être intéressant ». Et c'est plus qu'intéressant, c'est génial. Mais en fait, elle ne pensait pas faire de la littérature avec ce journal. Elle ne pensait évidemment pas à la publication. Mais je pense qu'elle n'a jamais pensé faire de la littérature. Elle a cherché à faire la vie. D'ailleurs, quand vous voyez les manuscrits de Goliarda, c'est fascinant, ce sont des flèches. C'est-à-dire que ces manuscrits, elle écrivait sur des feuilles volantes, commencent avec des lignes qui sont pleines, qui vont d'une marge à l'autre. Et au plus les lignes se succèdent, et au plus la ligne se réduit, et ça finit par une pointe où il y a juste un seul mot. Voilà. Son intervalle de pensée et d'enjeu, c'était de trouver la justesse du mot final de chaque page. Et ces carnets sont rédigés de la même manière, sans aucune ambition, sans aucun désir de cohérence. Donc on peut trouver des choses très contradictoires dans ces textes, comme les contradictions d'une pensée sans pudeur. Donc les sujets sont évidemment très variés, mais enfin... On retrouve pas mal de préoccupations liées à la sexualité, liées à son équilibre psychologique aussi, toujours un peu chancelant. Et je vais vous raconter une anecdote parce que ça explique mieux la vérité qu'il y a dans ces carnets, c'est qu'à un moment de L'Art de la Joie, il y a une scène d'accouchement. Le personnage va avoir plein d'enfants dans sa vie, mais il y en a un seul à qui elle va donner naissance. Prando, et cette scène était tellement bouleversante que j'appelle tout de suite la traductrice et je lui dis « Oh mais quel génie, j'avais jamais lu la vérité, j'étais sûr que c'était vrai ». Et Nathalie s'enthousiasme aussi, et à un moment on s'arrête tous les deux et on prend conscience qu'en fait Sapienza n'avait jamais eu d'enfant puisqu'elle était stérile. Mmh. Ça a été un des grands drames de sa vie. Et je pense à ça parce que dans ses carnets, il y a ce niveau de vérité. Elle vous dit des choses sur elle et sur la vie qu'elle n'a peut-être même pas forcément vécues. Mais qui sont d'une incandescence parfaite. Donc elle dit dans son journal qu'elle est fatiguée, ouais. Qu'elle n'en peut plus, ça revient quand même assez souvent. Elle évoque ses tentatives de suicide aussi. Ouais. Et vous me voyez pas, mais je souris quand vous évoquez ça, parce que c'est des choses qui ont l'air terribles, alors qu'avec Sapienza, c'est juste normal. On peut pas être dans une exigence de vie aussi intense que la sienne et vouloir en sortir indemne. Donc c'était le prix à payer. Et l'âge qui avance, la vieillesse aussi, c'était une préoccupation qu'on retrouve dans ces carnets? Ouais, c'est délicat pour moi de répondre, parce que je suis encore trop jeune pour vraiment mesurer ce que c'est que de vieillir. De ce que dit Angelo, c'est qu'elle avait quand même... Elle a nagé jusqu'à la fin, par exemple. C'était une nageuse, Goliarda. Et par rapport à son œuvre, c'est quand même compliqué quand on a le sentiment d'avoir écrit quelque chose d'important et que tout le monde s'en fout. Surtout quand on vit quand même dans un milieu qui est un milieu où les gens publient, parce qu'elle n'était pas complètement en dehors. On a une figure qui revient très souvent dans les carnets, qui est Cito Maselli, qui a été son premier grand compagnon des années 50-60, et qui était un peu le Jack Lang de l'époque. Voilà, un grand cinéaste, et qui était surtout le représentant pour la culture du PCI, du Parti communiste italien. Donc elle avait plein de regards sur elle. Et c'était une écrivaine qui n'était pas publiée, et c'était quand même une fille d'une famille qui politiquement avait été vraiment importante et qui vivait comme un gueux. Elle n'avait pas d'argent. Il y a vraiment des semaines, on le voit dans les carnets, où il fallait faire tenir le paquet de pâtes pendant plusieurs jours. Donc c'est aussi la solitude de Collière da Sapienza qu'on découvre dans ces carnets-là, et la solitude de l'artiste. Oui, j'allais même parler. Moi, j'avais presque une figure religieuse qui venait. C'est la solitude de la cèse quand on. On veut rester juste, bah il faut en payer le prix. Alors rester juste, y compris en volant des bijoux, on en a parlé déjà. Elle en reparle d'ailleurs dans ses carnets, bien qu'elle ait déjà tout raconté dans l'université de Rebibbia. Elle dit qu'elle voulait mourir juridiquement en faisant cela. Comment vous comprenez cette expression ? C'est comme un suicide social, mourir juridiquement ? Sa mère était non seulement une grande figure politique, mais une grande figure morale. Et elle vivait dans un milieu qui était à la fois, qui restait très religieux, hein, c'est l'Italie des années 70, et qui en même temps restait très militant, c'était le communisme. C'était compliqué d'être de gauche sans être communiste, par exemple. Bref, toutes ces positions qu'on voulait lui faire adopter, entre l'héritage symbolique de la mère, être femme sans enfant, être de gauche sans idéologie marxiste, la meilleure manière de flinguer une bonne fois pour toutes les attentes qu'on avait envers elle, c'était d'aller en prison, oui. Angelo parle de coming out presque. Elle a fait son coming out avec cet épisode. Depuis que ma main n'est plus occupée quotidiennement à donner forme aux aventures et aux émotions de Modesta, je me suis retrouvée pleinement dans ma vie, et un flux d'idées nouvelles, certaines précises, d'autres moins, revient dans mon sang et exige d'être porté à la lumière. Après presque 5 ans de vie commune avec Modesta, je vois ce que j'ai fait plus clairement, de façon plus critique, et je sais que je dois me disposer à une nouvelle révolution de tout mon système physique et mental. Je sais aussi que je me trouve dans un interrègne de distraction et de rêverie. S'il est salutaire pour quelques mois encore, il ne peut durer longtemps si je ne veux pas que ce repos dégénère en ennui et en impatience généralisée. Mais je sais également que si Modesta ne prend pas la clé des champs à Strada di Fora et ne s'en va pas vivre sa vie, il ne me sera pas facile de sortir de cet état de repos, d'attente et de sérénité que j'ai appelé « interrègne ». La compagnie des auteurs sur France Culture. On n'a pas vraiment parlé de la langue et de l'écriture de ces carnets. Vous parlez d'une langue métissée. Qu'est-ce que vous entendez par là ? D'abord, c'est la reine du mot valise. En traduction, ça peut être compliqué parce que parfois, ça semble une maladresse alors qu'elle adore agglomérer des mots. Elle aimait Joyce, ça. Oui, et puis. Ce qui est un peu inattendu d'ailleurs. Ah ! Moi, ça me semble pas si. Elle aimait les fous. Elle aimait les. Joyce, c'est une tentative d'épuisement d'un réel. Voilà, donc c'est une langue qui est très bizarre parce qu'elle cherche pas la belle écriture. C'est la reine des digressions. Et puis c'est une poète. Il y a du sicilien, il y a du dialecte aussi qui apparaît de temps en temps. Il y a tout ce qui a traversé sa vie. Donc il y a du sicilien, il peut y avoir du romano parce qu'elle a vécu à Rome. Il y a des registres de langue très différents parce qu'elle pouvait être. Elle a grandi dans un quartier, la Civita à Catane, donc en Sicile, qui était le quartier des pauvres, avec donc des parents qui étaient plutôt, on va dire, des notables quand même. Donc elle est très à l'aise sur tous les registres et tout se brasse dans ses Oui, oui, une écriture métissée, c'est la bonne expression pour elle. Et vous parlez aussi d'une construction en déséquilibre. C'est toujours un petit peu sur le point de tomber, la phrase de Gagliarda Sapienza, mais à la fin, ça reste bien accroché. Que j'avais dit ça. Moi, ça me fait penser à la marche. On oublie souvent que marcher, c'est une chute permanente entretenue. C'est qu'on met un pas en avant, on va tomber, on se rétablit, on remet un pas en avant. La phrase de Sapienza, elle est un peu comme ça. Parfois, on se demande comment elle retombe sur ses pieds, et elle retombe toujours sur ses pieds. Même sur des écritures aussi intimes que ces carnets. Alors parfois, avec Nathalie Castagnier, la traductrice, qui fait un travail formidable, il y a quand même vraiment des moments où on a dû relire en disant « mais qu'est-ce qu'elle veut dire ?» Parce qu'on est obligé de se poser la question puisqu'on doit le traduire, donc on doit être juste par rapport à elle. Et les moments les plus jouissifs, c'est quand on a le sentiment qu'on a traduit justement et qu'on n'a pas imposé une interprétation, qu'on reste dans ces déséquilibres à elle. Alors dans les carnets, elle parle aussi des écrivains qu'elle aime, oui. Henry James par exemple, oui. Proust. Oui. Alors il y a aussi Freud. Est-ce qu'il y a un rapport à la psychanalyse chez Gagliarda Sapienza? Est-ce que vous, alors vous-même vous avez dit que quand vous avez rencontré votre femme grâce à Gagliarda Sapienza et que vous formiez un couple à trois, on pourrait peut-être l'analyser avec l'aide de Freud, je ne sais pas. Mais je préférerais l'analyser avec Gagliarda. Est-ce qu'il y a de la psychanalyse un petit peu dans les carnets ou dans l'œuvre? Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment été un peu proche de Jean-Jacques Pauvert, cet éditeur qui a publié Sade et qui lisait Freud comme un romancier, comme de la littérature. Je pense que ce qui caractérise la littérature, c'est l'absence d'un goût pour les pensées systémiques ou systématiques. Voilà. Et je pense que Gagliarda lisait Freud comme ça. Donc elle le lisait quand même. Hein. Oui, et puis ça lui ouvrait des champs de réflexion, ça lui ouvrait des terrains de jeu. Tout ce qui ouvrait la pensée pour elle était important. Tout ce qui ne l'enfermait pas dans une certitude. Il faut pas oublier quand même, quand on a vécu 20 ans avec quelqu'un qui est une figure du Parti communiste italien, donc qui produit du discours et de la certitude, il faut être quand même sacrément résistant pour pas rentrer dans ce système de pensée. Enfin, quand on a vu aussi ce que ça produisait sur la psyché de cette femme, sa mère, qui produisait beaucoup de certitudes, mais qui elle-même avait sombré dans la folie. Peut-être qu'on fait inconsciemment ce lien. Oui, alors après elle, son drame, la mère de Gagliarda, c'est qu'elle a été aussi avec un homme qui avait un goût des femmes, qui a touché jusqu'à ses filles, ouais, et des suspicions de viol. Je pense que c'est ça qui l'a détruite psychologiquement à Maria. Et qui rappelle évidemment le début de l'art de la joie avec la scène de l'inceste. Chez Gagliarda, je pense qu'elle a pris la psychanalyse comme elle a pris la littérature, c'est-à-dire comme une manière comme une autre. Je pense qu'elle pouvait s'intéresser à l'ésotérisme aussi. C'était quelqu'un qui, tout ce qui était possible de prendre, elle le prenait. Dans les carnets, elle parle aussi de films, elle parle de Salo par exemple, de Pasolini. Elle parle des pièces de théâtre qu'elle interprète, et puis elle parle peut-être parfois aussi des gens qu'elle côtoie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de sa vie qui était tout de même un petit peu mondaine? Elle connaissait Elsa Morante un petit peu, Alberto Moravia aussi, Visconti évidemment. Comment vivait-elle au milieu de tous ces gens? Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué d'elle, c'est que jeune femme, elle a été aussi une très très grande comédienne. Et notamment le lien avec Visconti s'est fait dans l'immédiate après-guerre, quand il l'a mise en scène au théâtre. La légende raconte qu'elle était une sorte de Sarah Bernhardt, elle brûlait vraiment les planches. Donc entre le milieu de son conjoint, sa formation intellectuelle, les intellectuels qui étaient drainés par ses parents, elle a effectivement grandi dans un milieu très cultivé, mais je pense qu'elle passait pour une sauvage. Et en même temps, quand je dis sauvage, c'est pas qu'elle était misanthrope. Hein. Pendant toute la période de rédaction de L'Art de la Joie, elle avait ses matinées d'écriture, et à partir de l'après-midi, c'était les amis, et le soir, c'était des dîners qui terminaient aux premières lueurs de l'aube. Mais elle était vraiment farouchement irréductible. Ouais. Et puis pour terminer, peut-être la question des voyages, dont elle parle aussi, il y a ce grand voyage avec son mari en Chine, justement, au moment où ils attendent de savoir si L'Art de la Joie va être publié. Ça fait partie des très belles pages. J'ai publié Hugo Pratt, Et ça fait partie de ces figures qui font du voyage une pierre de touche de soi, c'est-à-dire qui se mettent à l'épreuve du réel et non pas d'un tourisme de divertissement. Donc elle prend le Transsibérien avec son mari et vous avez des paysages, notamment de la steppe, qui sont décrits par Goliarda et qui font penser aux champs de blé, par exemple, qui sont décrits dans L'Art de la Joie, qui ramènent à Catane. Là aussi, dans ses voyages, elle est dans la poésie. Elle fait remonter des... Rome, par exemple, c'est une ville qu'elle aimait beaucoup. Là, il faut parler de l'époque. Je pense que pour parler de l'Italie, ce qui est compliqué, c'est qu'elle a vécu aussi les années de plomb et elle a vu l'accélération du temps. Alors que ce qu'elle aime, elle, c'est les gens. Mmh. Merci Frédéric Martin. On aurait bien voulu continuer sur ce sujet. Mais nous arrivons à la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes donc le directeur des éditions du Tripode, où se trouve édité l'ensemble de l'œuvre de Goliarda, Sapienza. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Jeanne-Pin, Garance Mazelier et Florent Bujon. Demain, vous retrouverez La Compagnie des poètes, ce sera avec Manu Farine. Et nous, on se dit à lundi pour une semaine qui sera consacrée, figurez-vous, à Vladimir Nabokov. Mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment de retrouver la poésie. Et c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour La Compagnie. La phrase du jour... Elle est d'Antoine Mouton dans Chômage monstre et nous l'adoptons pour tous les jeunes poètes. Nous voulons dire, mais surtout être entendus. Nous voulons bien ne rien dire du moment que nous sommes entendus. Chômage monstre, Antoine Mouton, ta pensée est une usine. Il y a des déchets, c'est inévitable. Il y a une baisse de la production, c'est une question de main-d'œuvre. Il y a des mains qui se posent sur ta pensée et la façonnent pour former des mots techniquement reproductibles. Ils forment des mots à partir des pensées. Il y a une autre usine où l'on forme des pensées à partir des mots, mais les employés ont été licenciés. Il y a des gens autour qui recyclent les malfaçons, les pensées tordues, les prototypes abandonnés pour en faire quoi ? Quelqu'un dit « danse », quelqu'un pense « pire », quelqu'un danse et transpire. À quoi pense-t-il ? Je voudrais tellement dire ce que je pense, je voudrais penser sans rien dire, je voudrais dire sans avoir rien pensé. Ailleurs dans le poème, après quoi, chômage monstre. Quelqu'un pense quelque chose que quelqu'un ne dit pas, quelqu'un ne dit pas quelque chose que quelqu'un ne pense pas, quelqu'un pense entendre quelque chose qu'il a toujours pensé, mais personne ne l'a dit. Quelqu'un pense quelque chose qu'il dit, mais quelqu'un lui dit qu'il a tort de penser ainsi. Quelqu'un s'entend dire quelque chose qu'il ne pensait pas et se met à le penser soudain. L'entente n'est pas cordiale, la pensée n'est pas dite, le dit n'est pas entendu, le bien entendu est une manière de ne pas y penser. Ne pas dire, c'est ne pas dépenser. J'ai mis les mots à la banque, je les fais fructifier, j'ai négocié un bon taux d'intérêt, ce que j'entends m'intéresse. Je ne réponds rien, je garde pour moi, pour le futur en cas de besoin. J'ai placé mes pensées sur des valeurs sûres, car moi, je ne suis sûr de rien, pas même de ma présence. Peu à peu, ma pensée est devenue un amas de réponses informulées. Ma pensée n'est plus que la somme des courts-circuits ignorés. Nous voulons dire, mais surtout être entendus. Nous voulons bien ne rien dire du moment que nous sommes entendus. Quelqu'un entend un mot, l'attrape au vol et veut écrire ce qu'il en pense au dos, mais il ne le trouve pas. Il contourne le mot, il retourne le mot, il ne trouve pas le dos. Contorsionniste, il fait pâle figure. Quelqu'un dit ce qu'il pense des autres, toujours dans le dos des autres, mais un jour quelqu'un lui casse la figure, mais de dos. Quelqu'un se figure qu'il pense ce qu'il dit jusqu'à ce qu'on lui prouve le contraire. Quelqu'un dit toujours le contraire de ce qu'il pense pour se protéger, mais un jour il s'aperçoit qu'il marche à l'envers, et quand il veut se redresser, c'est trop tard. Quelqu'un bien pense contredit quelqu'un qu'on pense, et se dédit bien dit, lui dit-on de telle sorte qu'il ne puisse l'entendre, il en profiterait. Quelqu'un pense que celui qui ne dit rien ne pense rien, mais c'est sans compter les arrière-pensées. Quelqu'un arrière-pense qu'il ferait mieux de se taire. Quelqu'un le sous-entend et lui lance un silence approbateur déguisé en froncement de sourcils mystérieux. Merci Jacques Bonafé. Vous nous lisez cette semaine des textes du jeune auteur Antoine Mouton.